En vacances à Besançon dans le Doubs, je priais Saint-Antoine de Padoue de m'accorder la faveur d'une aventure et me consoler d'une récente rupture. Lorsqu'une espagnole au dit pain doux m'aborde en disant je suis Verdou, je la fais monter dans mon automobile et l'invite au meilleur dancing de la ville. Minuit sonne. Mais pour elle et moi si timide, j'étais comme un canot dans les rapides. C'est un grand mystère, il vient d'où? Qui peut me répondre, l'amour si doux? Il nous tient, il nous échappe. Est-ce un virus qu'on attrape? Surtout à Besançon dans le Doubs. Qui fait